agent britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique, est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin. Lorsqu'au mois de septembre 1914, on apprit que la cathédrale de Reims était en flammes, le monde entier s'émut, car on sentit que la beauté avait diminué sur la terre. Mais chez nous, tous les cœurs se serrèrent, car depuis des siècles, la cathédrale de Reims... Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque, et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage... Là, les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Le saccage de Palmyre par Daesh a glacé le sang. Il a incarné devant le monde entier, il a concentré la résurgence de pratiques qu'on avait pu quelque temps croire révolues. À savoir la destruction délibérée d'héritages culturels et religieux destinés à frapper l'ennemi en effaçant les hauts lieux qui portent sa mémoire, son identité, sa foi. Il ne s'agit pas ici de dommages collatéraux inhérents à tout conflit armé, mais du ravage volontaire d'un patrimoine. Mossoul, Ninive, Nimroud, Hatra, Alep, Tombouctou viennent presque aussi cruellement que Palmyre de s'en trouver martyrisé dans l'impuissance de la malheureuse UNESCO. Or, il suffit de faire ressurgir l'incendie des temples de l'Acropole, par exemple à Athènes, par les Perses, en 480 avant Jésus-Christ, pour donner aussitôt à ressentir qu'un tel précédent, éclatant, signifie parmi cent autres que de semblables barbaries ont scandé au long des siècles l'histoire des hommes. Certes, leurs mobiles ont pris des couleurs variées, mais il se peut qu'on soit à même de dégager une certaine unité dans les ressorts de ces crimes. Nul mieux que Maurice Sartre, invité familier de cette émission, pour s'y employer avec moi. Non seulement il a beaucoup travaillé et beaucoup écrit, avec Annie Sartre notamment, sur Palmyre et sur sa reine Zénobie, mais sa pente naturelle le conduit à faire servir sa connaissance intime de l'Antiquité à des réflexions qui sont propres à éclairer le présent et le possible combat des esprits et des âmes d'aujourd'hui contre tous les fléaux qui paraissent renaître indéfiniment. En pénétrant dans la ville morte, je tenais Margot par la main. Un éternel petit matin nous apportait sa lumière morte. Nous allions de ruine en pétrin dans les rues, de porte en porte. Ce qui avait été des portes s'ouvrait sur d'étranges confins. Je tenais ma femme par la main dans les rues, de porte en porte. Ce n'était que porte vide et poubelle pleine de cris, des explosifs incorrigibles se dérobait dans des replis. Nous marchions dans la nécropole, les pieds brisés et sans parole, devant ses portes, sans cadole, devant ses trous indéfinis, devant ses portes, sans parole, et ses poubelles pleines de cris. Nous allions le cou un peu raide découvert d'indiscutables secrets. Personne ne nous venait en aide. Aller à pied vers le passé vaut moins que tout ce qui précède. Et nous étions si fatigués dans ces venelles malitornes que nous cherchâmes une borne ou un peu de ciment cassé afin de reposer nos pieds. Main sur main, nous avons trouvé, éparpillés dans la poussière, les belles chansons roturières qui recouvraient les vieux pavés. Des airs bien connus de caserne se joignaient à nos intentions et fleurissaient une lanterne. Chanson de charme d'un clairon qui fleurissait une lanterne dans un rêve de garnison. Maurice Sarthe, bonjour. Bonjour. Je viens de vous proposer La Ville morte, sur des paroles de Pierre Macorlan et une musique de Lino Leonardi, une chanson interprétée par Monique Morelli en 1965. Vous vous doutez que j'ai choisi cette chanson parce qu'on y trouve de façon un peu distanciée, un peu symbolique, le bruit des bottes et le silence figé de l'effroi devant la barbarie. Ce qui me frappe en écoutant la chanson, de les paroles de Macorlan, c'est que il décrit la ville morte qui est devenue, on le comprend, des ruines, des portes béantes, une nécropole. Aujourd'hui, on en est à faire disparaître les traces de ces ruines même. C'est-à-dire qu'on en est un deuxième degré, en quelque sorte, de la destruction du passé. C'est-à-dire que non seulement on détruit la ville des vivants, mais on détruit même une ville qui est déjà morte. C'est le cas de Palmyre. C'est le cas de Palmyre, bien sûr, puisqu'on y a détruit en partie la ville des vivants aussi, et puis surtout la prison, qui était malheureusement un endroit bien vivant et mortifère. Mais on y a détruit surtout la ville déjà morte. Comme si ces traces d'un passé brillant étaient insupportables pour les gens de Daesh qui en ont pris la responsabilité. C'est toute la problématique de notre conversation de ce matin avec... En arrière-plan, l'idée que les pierres sont presque aussi précieuses que les hommes. C'est Michelet, d'ailleurs, qui disait dans son Histoire de France, « Homme grossier qui croyait que ces pierres sont des pierres, qui n'y sentaient pas circuler la sève et le sang. La pierre s'anime et se spiritualise sous l'ardente main de l'artiste qui en fait jaillir la vie. » Cette phrase de Michelet, elle est très intéressante parce que si les idéologues de Daesh qui ont détruit en partie Palmyre et bien d'autres choses, vous en avez mentionné tout à l'heure dans l'introduction, le connaissaient, ils trouveraient qu'il leur donne raison. C'est-à-dire que nous sommes souvent horrifiés par les destructions en disant « mais pourquoi, par exemple, Daesh a détruit toutes les statues de Palmyre ?» Et on le sait maintenant, puisqu'on a des photos du musée qui n'avaient pas du tout été vidées, entre nous soit dit, et donc ils ont martelé tous les bustes, toutes les têtes. On pourrait dire « mais enfin, c'était pas des idoles, c'était les images des Palmyréniens. » Mais en fait, Michelet donne en quelque sorte une vie aux pierres. Et il rejoint d'une certaine manière le discours de Daesh, sans le justifier, bien entendu, c'est pas du tout ce que je veux dire. Je veux dire par là que Michelet dit, dans le fond, les pierres ont une âme, parce que l'artiste a su leur donner un souffle. Or, c'est précisément ce que ne veulent surtout pas ces islamistes radicaux qui ont une vision, d'ailleurs, qui leur est extrêmement personnelle de l'islam, à savoir que ou c'est simplement du caillou et donc on peut le détruire, ou bien ce sont forcément des êtres animés et donc des idoles, et il faut donc les détruire, car contraire à l'islam. Le temple de Bel, sa destruction a particulièrement frappé. Le temple de Bel a beaucoup frappé. Je crois que d'abord, ce qui est peut-être nouveau par rapport à tous les exemples qu'on peut donner, et on en donnera sûrement beaucoup d'autres, c'est qu'il y a maintenant une mise en scène volontaire de ces destructions que même les talibans d'Afghanistan n'avaient pas réalisé à ce point lorsqu'ils ont détruit les Bouddhas de Bamiyan. On a des images pourtant de cette destruction, mais autant que je me souvienne, la mise en scène n'avait pas été aussitôt diffusée comme elle l'a été pour les temples de Palmyre. Et puis, il faut bien le dire aussi, c'est que les destructions de ce 21e siècle disposent de moyens techniques, hélas, infiniment plus puissants que tout ce qui a été utilisé au cours des siècles. On dit les Perses ont brûlé les temples de l'Acropole. Oui, mais enfin, les moyens des Perses en 480, ils mettaient le feu, bien sûr, ça ravageait. Mais ça ne réduisait pas à l'état de caillouties comme l'est le temple de Bel, où avec 300 kilos de TNT qu'on a, et on s'y est repris à trois fois, on réduit à l'état de poussière, littéralement, le temple de Bel, sans parler des grandes tours de Palmyre. Toutes les plus belles ont sauté, et on le sait maintenant, elles sont réduite à l'état de poussière. Le cas de Palmyre me paraît, Maurice Sartre, illustrer assez bien la diversité des motivations possibles, avec au centre la volonté de marquer le désir d'extermination de l'adversaire. Néanmoins, la dimension, la présence du religieux est très variable suivant les époques. Il faut faire une sorte d'inventaire des comportements de ce type. Quand on s'en prend à l'héritage, au patrimoine de l'autre, ce peut être dans des guerres étrangères ou dans des guerres civiles d'ailleurs, comprendre quels sont les ressorts fondamentaux. Même si toutes les situations sont infiniment complexes et souvent les motifs se mêlent les uns aux autres, il est donc assez difficile de les dégager. Mais je crois quand même que l'on peut un peu serrer les questions. Laissons de côté, évidemment, ce qu'on appelle des dommages collatéraux. Dans les combats, il y a des monuments qui attrapent des mauvais coups, comme il y a malheureusement aussi des civils et tout ce qu'on voudra. Mais je crois qu'il y a dans la destruction volontaire des monuments du passé des biens culturels. On pourrait dire d'une manière générale des biens culturels, parce que ça peut s'appliquer aussi bien après tout à des monuments contemporains. Mais je crois quand même qu'il y a des raisons différentes de détruire. Je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Non, distinguons, c'est notre vocation. Même si, encore une fois, plusieurs causes peuvent se mêler dans une même action. Distinguons pour revenir à une certaine unité dans un deuxième temps. Je crois d'abord qu'il y a des destructions qui n'ont d'autre but que de terroriser l'adversaire. De le terroriser en détruisant des biens auxquels il est attaché. Je vais prendre un exemple tout à fait contemporain. Lorsque les avions de Bachar el-Assad lancent des barils de TNT sur le théâtre de Bosra, ça a été le cas au mois de juin, je crois, cette année, ou sur le musée des mosaïques de Maharet el-Noman, en Syrie du Nord, ville qui est rebelle depuis le début. Je me souviens y être passé en avril 2011 et avoir assisté à des manifestations déjà dans cette ville. Donc c'est très précoce. Il ne s'agit pas pour lui de détruire, pour des raisons religieuses, des vestiges du passé. Il s'agit de détruire des biens que détiennent et auxquels tiennent beaucoup ses adversaires. À Maharet el-Noman, par exemple, les habitants s'étaient mobilisés fortement contre les groupes islamistes qui avaient pris le pouvoir dans la région pour protéger le musée de Mosaïque, qui était l'un des plus beaux de Syrie. Donc en envoyant les barils de TNT, il s'agit de détruire pour terroriser, pour faire plier l'adversaire. Donc je pense que ça, c'est un premier cas de figure. Vous trouvez des exemples de cela dans l'Antiquité ? Oui, je pense que d'une certaine manière, les destructions, par exemple, des temples de l'Acropole peut s'apparenter à ça. Je ne crois pas du tout que les Perses aient détruit les temples de l'Acropole par fanatisme religieux, du tout. Je pense qu'il s'agit plus, à la rigueur, alors s'il y a une dimension religieuse, c'est plutôt pour priver l'adversaire du secours de ses dieux. On peut se dire, ah ben si on détruit les temples des dieux, plus les temples de l'Acropole, c'est les temples des dieux protecteurs d'Athènes, c'est-à-dire Athéna et Poséidon. Si on détruit leur sanctuaire, ils vont fuir. Et donc l'adversaire va plus avoir ses dieux. Mais je crois quand même que c'est plus destiné à terroriser. Donc la première catégorie. Moi, je mettrais ça plutôt dans la première catégorie. Encore une fois, même si c'est pas univoque, hein, c'est jamais aussi simple, bien et entendu. Et la seconde ou les autres? C'est effacer les traces de la présence de l'autre, d'une culture que l'on veut effacer. Je vais prendre un exemple. Un exemple tout récent. Enfin, oui, de 2005. Pour un historien de l'Antiquité, vous me permettrez de considérer que c'est tout récent. En 2005, l'armée d'Azerbaïdjan, l'armée azérie, a détruit un cimetière historique arménien situé dans cette enclave que possède l'Azerbaïdjan contre la frontière turque, qui s'appelle le Nakhitchevan, qui était peuplé d'Arméniens. Bien sûr, on pourrait dire c'est religieux, les Azéris sont musulmans, les Arméniens sont chrétiens. Je ne crois pas que l'armée azérie ait détruit ce cimetière uniquement parce qu'il y avait des croix, mais parce que ce cimetière était un cimetière symbolique, historique, rempli de milliers de tombes magnifiques avec effectivement des croix magnifiques, où venaient notamment se faire enterrer les Arméniens d'Iran, ceux d'Isfahan. En particulier. Je crois qu'il s'agissait, dans ce cas précis, de faire disparaître la trace de la présence arménienne dans une région qui appartient officiellement, selon les lois internationales, à l'Azerbaïdjan. On peut dire que la destruction, le dynamitage systématique des maisons des Palestiniens en Cisjordanie occupée relève parfois de la même stratégie. Faire comme si il n'y avait pas de présence des Palestiniens, ou comme si elle était marginale, en tout cas la rendre la plus marginale possible. Alors je voudrais vous demander, Maurice Sartre, par rapport à ce classement binaire que vous nous proposez, où vous situeriez le cas de la cathédrale de Reims, qui a subi en 1914, entre 14 et 18, de terribles dommages. Ils s'y sont rappelés ici par Émile Mahl, grand historien des églises. Il a fait un très beau livre sur les églises de Rome en particulier. Émile Mahl qui évoque cette histoire en juillet 1938, au moment où s'achève la restauration de la cathédrale. Lorsqu'au mois de septembre 1914, on apprit que la cathédrale de Reims était en flammes, le monde entier s'ébut, car on sentit que la beauté avait diminué sur la terre. Mais chez nous, tous les cœurs se serrèrent, car depuis des siècles, la cathédrale de Reims était un symbole de la France. C'était dans une des premières cathédrales de Reims que Clovis avait été baptisé. Dans celle qui brûlait, 24 rois depuis Louis VIII avaient été sacrés. Et auprès de Charles VII, on avait vu le jour du sacre, Jeanne d'Arc debout portant son étendard. Le contraste était violent pour qui la revoyait à la fin de la guerre. Elle avait été bombardée pendant des mois comme une forteresse. Elle était calcinée, sans toiture, couverte de plaies profondes, montrant ses os à nu. Les statues de la tour du Nord, rongées par l'incendie, retournaient aux éléments. L'empreinte de l'art s'effaçait. Quelques-unes des plus belles statues des portails ou des parties hautes avaient été réduites en poussière. D'admirables bas-reliefs avaient été arrachés. Cette grande ruine épouvantait. Mais après ce premier sentiment d'horreur, on sentait bientôt grandir en soi un sentiment de vénération. La cathédrale ressemblait à un martyr que ses bourreaux n'avaient pu achever. Elle avait eu, elle aussi, sa passion. Elle avait été belle, elle devenait sainte. Cette destruction partielle de la cathédrale de Reims, elle figure où dans votre esprit, du point de vue de la classification que vous esquissiez? Je crois que là, on est clairement dans le cas de la tentative de détruire un symbole de l'adversaire, un symbole culturel. Il ne s'agit pas ici de religieux, on ne va pas me faire croire que les Allemands, même s'ils étaient luthériens, calvinistes, tout ce que vous voulez, mais il y a quand même beaucoup aussi de catholiques, vont détruire une cathédrale gothique pour le plaisir de détruire un lieu de culte impie. Donc c'est pas ça. Émile Mahl le rappelle bien dans son discours. Reims, non seulement c'est l'un des chefs-d'œuvre de l'art gothique français de l'Île-de-France, c'est vrai, mais c'est aussi un haut lieu de l'histoire de la France. Donc il s'agit bien de détruire parce que c'est un symbole de l'histoire de la France, la présence de Jeanne d'Arc, et puis le sacre, dans le fond, le sacre des rois de France. Je crois que, en même temps, c'est un moyen, et ça, je crois que c'est une donnée qui apparaît assez souvent et qui rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Il s'agit d'essayer de faire plier l'adversaire en le terrorisant, en le privant quand même de quelque chose qui lui tient à cœur. Cette manière de terroriser les populations, on en a eu d'autres exemples. Après tout, les Français dans le Palatinat au XVIIe siècle, avec les destructions épouvantable, massive. Mais cela peut se retourner parce que la propagande française en 1914-1918, éclairée par parenthèse par Albert Londres, dont c'est le début de la carrière, il était témoin, il avait échappé au tour organisé par l'armée, et il a raconté ce qui s'est passé. C'est un moyen pour la France de parler de la barbarie adverse. De toute façon, ça se retourne toujours, à un moment ou à un autre, contre l'auteur de la destruction, qui apparaît tout d'un coup comme un barbare et qui a plus de difficultés à faire passer l'autre aussi pour un barbare. Je ne sais pas s'il vous est arrivé, mais sûrement beaucoup de nos auditeurs ont visité justement aujourd'hui le Palatinat. Moi, j'avais été frappé en visitant les châteaux, Karlsruhe, etc., toute la vallée du Rhin. À chaque fois, j'entendais le même discours. Ça a été détruit par les Français, etc., etc. Louis XIV a été, et Louvois ont été d'une brutalité. D'une brutalité qui ne vise qu'à terroriser. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres. Là encore, ce n'est pas des motifs religieux. Alors on peut dire que c'est des raisons militaires si on veut. D'une certaine manière, Reims peut-être est un cas différent de ce qu'on vient de dire du Palatinat. Reims me fait plus songer finalement à ces destructions symboliques qui n'ont aucune raison militaire particulière, comme le pont de Mostar. Le pont de Mostar, qui était un monument extraordinaire, et en même temps sans utilité militaire. Là, nous parlons de la guerre de l'ex-Yougoslavie. De la guerre de Yougoslavie, le pont de Mostar, donc, qui est en Bosnie-Herzégovine aujourd'hui, qui était en Yougoslavie, et qui n'avait, on peut le dire, aucune utilité pratique, sauf pour quelques piétons pour traverser la rivière, ça c'est évident. Mais en réalité, c'était le monument culturel le plus connu à l'extérieur. Je ne dis pas forcément le plus important, le plus beau, tout ce que vous voudrez, mais c'était le plus connu. De la même manière, d'ailleurs, et on retrouve Palmyre. Palmyre était de loin la ville de Syrie la plus connue de toute la Syrie. C'était même pour beaucoup de gens la seule qui soit réellement connue. Le lieu d'un rêve, en plus, l'imaginaire. Le pont de Mostar était le lieu le plus célèbre. En le détruisant, on détruit donc un symbole culturel auquel la population s'identifie d'une certaine manière. Donc le fait que les Croates qui l'ont détruit étaient catholiques vous paraît d'une importance secondaire par rapport à... Je crois que c'est secondaire. En même temps, ça illustre ce qu'on disait dès le début, c'est que souvent les choses sont imbriquées. Et donc il ne faut pas non plus pousser trop loin la volonté de séparer les causes. Parce qu'il y a souvent, effectivement, des causes multiformes. Il peut y avoir à la fois du nationalisme, du religieux, du militaire. Sur la force symbolique des deux côtés, du côté de l'assaillant et du côté de ceux qui ont souffert dans leur chair, dans leur mémoire de cette destruction, un texte de Zlatko Dzidzarovic, une lecture du 17 juillet 1994. C'est à propos d'un livre qui s'appelle « Le silence et rien alentour », qui portait aussi des photographies de Gérard Rondeau. La photographie du pont était sans doute le paysage le plus connu de l'ex-Yougoslavie. Il était de loin le plus fameux de tous les ouvrages d'art de ces contrées. On dirait en effet qu'un mystère entoure ces ponts bosniaques. Les Turcs eux-mêmes étaient particulièrement inspirés lorsqu'ils les construisirent en Bosnie. Plus tard, ces ponts sont devenus, bien que telle ne fût pas l'intention de leurs bâtisseurs, des liens symboliques entre des religions différentes ou même entre des civilisations, entre l'Occident et l'Orient. C'est l'écrivain Ivo Andrić qui, ayant ressenti la force de ce mystère, est allé le plus loin dans ses métaphores, dans un vain espoir d'ancrer dans des âmes frustes l'idée du lien entre les deux rives. Il décrivait la générosité que le pont apporte au paysage sauvage, tout comme la compréhension anoblit les individus et les peuples. Aujourd'hui, du pont sur la Neretva, il ne reste que deux moignons. Ce n'est pas la première fois que l'on brise l'un des symboles historiques et culturels qui fourmillait en Bosnie. Encore que cela pourrait être la dernière. Restait-il encore des monuments de cet ordre? Mais cette destruction a plus de force que toutes les précédentes. on anéantit tout ce que l'esprit de l'homme a créé dans ces régions. Tout comme s'évanouissent les normes et les valeurs forgées et transmises depuis des générations, seule demeure maintenant la sauvagerie débridée qui sévit aveuglément. En effet, l'énergie doit être dépensée. Si elle ne sert pas à construire, alors elle servira à détruire. Ce texte est lu par Frédéric Cantrel et il est issu de l'émission Un jour au singulier, une émission de Geneviève Ladouès, le 17 juillet 1994 sur France Culture. Maurice Sartre. Très beau texte. Et je crois que ce qui est bien souligné, l'allusion à Ivo Andrić est importante. Un pont sur l'Adrina. Un pont sur l'Adrina, c'est que le pont s'est fait pour unir. Et là, en pleine guerre civile, avec des gens qui veulent absolument se séparer, faire sauter les ponts, c'est évidemment plus qu'un symbole. Portons-nous à d'autres moments, si vous le voulez bien, par exemple, du côté, cette fois, des déchirements intestins, des guerres civiles. Songeons à ce qui s'est passé au moment de la Révolution française. C'est là qu'on trouve la naissance, en tout cas l'affirmation du terme de vandalisme. Oui, vandalisme, c'est un mot qui apparaît en 1794. Je pense que les révolutions, la Révolution française, la Révolution chinoise, mais aussi la Révolution bolchevique, sont porteuses de destruction, pour des raisons alors qui sont différentes cette fois-ci. Elles se fondent toutes finalement sur à peu près le même imaginaire, c'est-à-dire qu'une sorte de négation de l'histoire. C'est-à-dire qu'il s'agit d'effacer les traces du passé, comme si effacer les traces du passé revenait à supprimer le passé. Table rase, c'est une quête absurde. Voilà, table rase, on ne fait jamais table rase. On peut être en rupture, et Dieu sait s'il y a des sociétés qui font des ruptures avec leur passé, mais on ne fait jamais table rase. On sait que ça a été un débat important à l'époque de la Révolution française, avec le long débat qui a eu lieu pour savoir s'il fallait raser le château de Versailles. Et ça n'est fallu de peu, d'ailleurs. Il paraît. On peut imaginer, effectivement, qu'il n'y ait plus Versailles. Après tout, il y a des tas d'autres châteaux qui ont disparu. Celui-ci était quand même particulièrement symbolique. C'est le temps aussi de l'abbé Grégoire qui a utilisé et répandu le terme de vandalisme qui se bat passionnément. C'est une des raisons pour lesquelles on l'a mis au Panthéon, monument que nous n'avons pas détruit. Et l'abbé Grégoire se bat pour défendre tous ces monuments au nom précisément d'une continuité nationale. Il n'y a pas d'historien qui ne puisse admettre qu'on fasse table rase. Nous sommes tous le produit d'une histoire, nous pouvons rompre avec nos parents, nous serons toujours les enfants de nos parents. Et bien, je crois que pour l'histoire, il en va de même. On peut effectivement rompre avec la tradition monarchique française, la traité de tyrannie, tout ce qu'on voudra, enfin tout le vocabulaire qui s'est développé sous la Révolution française. Il n'empêche que la France de 1794 est quand même le fruit, quoi qu'il arrive, de siècles de monarchie française. Et donc, en détruire les symboles ne revient pas à détruire l'histoire qui a de toute façon eu lieu. On le retrouve aussi bien dans la révolution bolchevique, avec là peut-être un caractère religieux plus accentué. Bien entendu aussi dans la révolution chinoise. Culturelle de 1966, ce que nos maoïstes français ont mis si longtemps à mesurer, la somme de crimes contre les êtres humains, de millions de morts, mais aussi de destruction de tout ce qui symbolisait le passé dans l'ordre religieux. Les Bouddhas, mais pas seulement, les livres, les bibliothèques sont toujours dramatiquement une cible pour ce genre de comportement. Dans la révolution chinoise, je ne crois pas qu'on ait mesuré encore, peut-être complètement, la quantité de destruction. Après, les témoignages qu'on lit sont effrayants, mais en même temps, on s'aperçoit que les très hauts responsables, y compris ceux qui sont derrière le mouvement, qui lancent le mouvement, ou en tout cas qui le suivent sans rien faire, Mao et les siens, en fait, prennent aussi des mesures. C'est Chou Enlai qui fait fermer définitivement la cité interdite. C'est un moyen aussi de la protéger. Certains voyageurs, dès septembre 1966, au tout début, ont pris la mesure de ces destructions. Écoutez ce témoignage d'Anne-Marie Carmentres, qui a été témoin des derniers voyageurs occidentaux qui ont vu les choses de près. C'est un témoignage à France Culture, le 1er septembre 1966. Et pourquoi ont-ils détruit ce passé? Car enfin, Mao Zedong lui-même est un lettré. Oui. Pourquoi donc cette haine contre le passé? Eh bien, ce super étonnant. Oui, c'est effectivement assez étonnant quand on a constaté, par exemple, à Pékin, que dans le jardin impérial, on maquillait absolument toutes les peintures anciennes. Quand j'ai vu des sculptures sur les murs extérieurs de bâtiments cassés à coups de pioche, et quand j'ai vu surtout des échafaudages, des tréteaux sur lesquels étaient exposés des bouddhas, des livres, des fresques, j'ai demandé ce qu'on allait en faire de ces vieilles choses, et on m'a dit que c'était des objets de superstition, que ça devait disparaître, qu'on allait les brûler en public. Alors là, j'ai demandé au guide ce qui se passait et ils m'ont dit qu'il fallait absolument faire disparaître de la ville, enfin de toutes les villes de Chine, des idées bourgeoises et des idées féodales. Et ça, c'était essentiellement pour les enfants qui ne devaient pas, en voyant ces images un jour, se rendre compte que peut-être il y avait d'autres choses mieux. Enfin, on ne m'a pas dit tout à fait ça, mais je pense que c'est ce qu'on a voulu dire. Donc, ils ont peur des séductions de l'ancien régime. Absolument, oui. Je pense qu'ils ont peur qu'un jour, les enfants, en voyant de vieilles gravures, de vieilles images, se disent, au fond, au temps des féodaux, c'était pas si mal, c'était plus joli, fasse une comparaison. Ils ont très peur de ça. D'ailleurs, dans un livre de propagande que j'ai rapporté, ils disent que la révolution culturelle doit détruire de fond en comble tout ce qui a existé, tout ce qui a été créé par les féodaux et que sur des bases absolument vierges doit se recréer l'art du prolétariat. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. On voit bien là, Maurice Sarthe, que quand il s'agit de détruire tout ce qui est antérieur, le politique, la mémoire se mélange très intimement avec la religion. Et je voudrais maintenant, à ce moment de notre conversation, de notre émission consacrée à la destruction de la mémoire de l'autre comme une arme de guerre, je voudrais que nous en venions plus particulièrement aux dimensions religieuses de ces comportements criminels. Déjà, cet extrait qu'on vient d'entendre sur la révolution chinoise nous donne un bon éclairage finalement sur cette dimension religieuse. Car le maoïsme apparaît comme une nouvelle religion, en quelque sorte, qui essaye de faire disparaître toute trace d'autres croyances. Le mot revient à plusieurs reprises dans l'interview, c'est-à-dire tout ce qui peut nourrir les superstitions du passé, la culture bourgeoise, etc. Et ça, on l'a aussi bien dans la révolution soviétique. En réalité, il est vrai que lorsqu'on se tourne vers le passé et qu'on essaye de voir les exemples de destruction systématique de monuments, les monuments religieux sont particulièrement visés, pas simplement visés justement par ceux qui se prétendent areligieux, mais en réalité qui développent une pensée qui est proche d'une pensée religieuse, d'une certaine manière, en tout cas qui est aussi autoritaire qu'une pensée religieuse, c'est aussi le fait des religieux eux-mêmes qui combattent d'autres religions jugées comme des superstitions. Est-ce qu'il ne faut pas faire une distinction entre la période antérieure au monothéisme et le moment où ces trois religions, en tout cas en Occident majeur, se sont affirmées ? Je crois quand même, effectivement, que les destructions d'édifices religieux, systématiques, est quand même beaucoup plus le fait des grands monothéismes. Et alors, de ce point de vue-là, ils sont tous concernés. Je dirais pas à égalité, parce qu'on va pas faire de comptabilité, mais ils sont tous concernés directement, beaucoup plus que des polythéismes. Pour une raison très simple, c'est que dans les polythéismes, c'est le cas notamment des polythéismes antiques, mais on pourrait en discuter parce que l'Inde donne peut-être parfois une autre image aujourd'hui. C'est que pour les polythéistes antiques, en tout cas, les dieux de l'autre ne sont pas nos dieux, mais sont quand même des dieux. Alors que pour les monothéistes, le dieu de l'autre n'est pas un dieu. Il y a un cas que je trouve très éclairant historiquement, c'est la destruction par Titus du temple de Jérusalem, 70 après Jésus-Christ. Il y a débat là-dessus. Est-ce que Titus a lui-même d'abord voulu la destruction du temple de Jérusalem ou non ? Rappelez-nous ce qui s'est passé. Le grand témoin, le grand historien, c'est Flavius Josèphe. C'est Flavius Josèphe. Flavius Josèphe a tendance à exonérer Titus de la destruction du temple de Jérusalem. Il est mu par une autre pensée, c'est-à-dire que lui est placé du côté des vainqueurs. Il est donc ce qu'on appellerait aujourd'hui un collaborateur. Et il a tendance donc à essayer de ne pas trop les noircir. Même si Titus est responsable, je veux dire que même si Titus a donné l'ordre de détruire le temple de Jérusalem. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne crois pas qu'on puisse le voir comme un acte religieux de volonté de détruire le judaïsme. Ça ne veut pas dire que pour les juifs, ça n'ait pas été compris comme ça, et à juste titre peut-être pour eux. Je ne doute fort que Titus ait voulu éradiquer le judaïsme en détruisant le temple de Jérusalem. je pense qu'il y a plus de sa part la volonté peut-être de terroriser les Juifs, d'essayer d'avoir la paix après un siècle de troubles continus, parce que la guerre dure que depuis 4 ans, mais les troubles durent depuis un siècle. J'avoue que je suis un petit peu partagé et je ne suis pas sûr qu'on puisse mettre l'incendie du Temple de Jérusalem dans ces actes de barbarie absolue que sont la destruction, par exemple, systématique des temples de l'Inde par Aurangzeb ou par Mahmoud de Razni, par exemple, au Moyen-Âge. Ou peut-être Jérusalem même par les Babyloniens en 587 avant Jésus-Christ. Voilà, alors les Babyloniens, pareil, lorsque les Babyloniens détruisent le temple de Jérusalem en 587, comment l'interpréter ? Intolérance religieuse ou volonté de terroriser, de soumettre ou tout simplement de priver l'adversaire de ses dieux ? Car ça, c'est une vieille habitude qu'on trouve dans beaucoup de sociétés polythéistes, c'est de déporter les dieux de l'adversaire. On n'en nie pas l'existence, mais on en prive l'adversaire. On en prive l'adversaire. Donc c'est un petit peu différent comme attitude. Lorsque, par exemple, des gens de Babylonie déportent les dieux de Rapikoum au début du deuxième millénaire pour les emmener chez eux à Shubat Enlil, c'est pas du tout pour détruire le sanctuaire, pour effacer les vestiges d'une culture qui serait honnie, qu'on jugerait abominable du tout. C'est pour priver l'adversaire de ses dieux, on les emmène avec soi, on les emmène en déportation, en quelque sorte. Et puis, on juge les dieux de l'adversaire comme responsables de la conduite de l'adversaire. Donc on le déporte comme on déporterait les notables, comme les notables juifs ont été déportés à Babylone ou à Ninive. Dans le meilleur des cas, on les déporte, dans le pire, on les écrase. Ou on les écrase, mais souvent on les déporte. Il arrive qu'on récupère, après coup, lors d'une autre bataille, les dieux qu'on a ainsi déportés. Je crois que c'est autre chose que ce à quoi on a assisté aussi bien dans le judaïsme antique, dans le christianisme jusqu'à il n'y a pas longtemps, et dans l'islam depuis longtemps, et malheureusement aussi encore en aujourd'hui, c'est-à-dire la destruction, pour des raisons que je dirais idéologiques, en quelque sorte, eux diraient peut-être religieuses, moi je dirais idéologiques, des lieux de culte de l'adversaire ou des objets de culte de l'adversaire. Ça me paraît différent. Il est vrai que chez les Juifs, le monothéisme s'est imposé très lentement aussi. Donc c'est vrai qu'au départ, lorsqu'ils détruisent le temple de l'adversaire, c'est pour priver l'adversaire de ses dieux. Il n'y a pas de négation des dieux. Et puis progressivement, avec la mise en place du monothéisme dans le courant du 7e siècle, la destruction des temples, c'est vraiment la destruction de faux dieux, c'est-à-dire d'idoles. On en est dans les deux grands monothéismes d'aujourd'hui. Non pas que je juge le judaïsme comme marginal, mais en nombre de gens, il est effectivement très marginal. Donc dans les deux principaux monothéismes. Dans les deux principaux monothéismes. Christianisme et islam. Dans les deux grands monothéismes aujourd'hui, qui regroupent quand même une grande partie de la population de la planète, il y a cette négation de la divinité adverse et dans leur histoire de très très nombreuses destructions des sanctuaires à des fins pour imposer en quelque sorte l'image de leur propre Dieu. Dans le christianisme, je ne sais pas par quel exemple commencer, tellement il y a d'exemples. Depuis l'Antiquité. Depuis la fin de l'Antiquité, la fermeture des temples s'est souvent accompagnée de leur destruction. On connaît l'histoire du Sérapéion d'Alexandrie. On la connaît, mais on fait rappeler-la quand même. Et bien, en 391, le patriarche d'Alexandrie demande de brûler le temple de Sérapis à Alexandrie, ce qui entraîne en particulier l'incendie de ce qu'il restait de la bibliothèque d'Alexandrie, puisque les copies des livres de la bibliothèque d'Alexandrie étaient déposées au Sérapéion. Destruction des temples, mais parfois remploi des temples. Alors, voilà, le problème, c'est que les chrétiens ont eu, à la fin de l'Antiquité, des attitudes extrêmement diverses et ambiguës, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des destructions, remplacement complet. Par exemple, une inscription sur une église de Syrie aujourd'hui qui est encore en activité et qui donne la consécration de l'église rappelle que là où s'élevait la demeure des démons, je cite là de mémoire le texte, se dresse aujourd'hui la maison de lumière du Dieu Tout-Puissant. Donc on a souvent quand même construit les églises à l'emplacement des temples, comme pour les sanctifier. D'ailleurs, c'est Mauriac qui dit quelque part, je crois, que derrière chaque église de France, on pourrait trouver un temple de Cérès. C'est très excessif, mais enfin... C'est sans doute excessif, mais enfin, c'est pas complètement faux. On sait très bien aujourd'hui que les temples du prophète Élie en Grèce prennent la place de temples des marges. Parfois, on réutilise carrément le bâtiment. Exemple, le temple de Belle. Le temple de Belle à Palmyre est devenu une église. Il y avait dans ce temple, en particulier, les gens ne les voyaient pas parce que c'était très effacé, mais des peintures représentant une Vierge à l'enfant encadrée par des saints, avant qu'elle ne devienne à son tour une mosquée. Trois moments, donc trois avatars au sens propre. Exactement, au sens propre du mot. Donc il y a à la fois de la destruction et du remploi. Et puis il peut y avoir une situation intermédiaire, c'est-à-dire qu'on détruit mais on remploie les matériaux pour en quelque sorte les sanctifier, les dédiaboliser, je ne sais pas si c'est le mot qu'il faudrait employer, mais en tout cas les dédiaboliser, leur rendre une virginité. De la même manière qu'on a détruit des quantités de statues de dieux antiques, et comme on l'a dit tout à l'heure, en même temps, il y avait des gens, pas forcément des païens, aussi des chrétiens, qui cachaient ces statues parce que c'était des témoignages de la culture du passé et que c'était beau en soi. Donc, des destructions, il y en a eu déjà lors du triomphe du christianisme. On ne peut pas ne pas dire un mot des nombreuses destructions lors des guerres de religion. Là, on trouve souvent des guerres intestines, des guerres civiles. Guerres intestines. Et on trouve l'iconoclasme, nous n'avons pas encore employé le mot, c'est-à-dire... Alors, l'iconoclasme, c'est bien sûr qu'on pourrait en parler, mais je le mets un petit peu de côté parce que là... C'est autre chose, c'est un débat à l'intérieur même d'une religion. Le refus des images. Refus des images qui d'ailleurs s'est développé en même temps à Byzance, chez les chrétiens, et dans l'islam, puisque l'interdiction des images dans l'islam date de la même époque. Mais cependant, dans les guerres de religion en France, on voit très très bien le refus des images de la part des protestants, qui détruisent tout un patrimoine de beauté picturale et autres. Oui, et on sait bien que les porches de beaucoup d'églises qui sont vides aujourd'hui, le vide remonte à cette époque-là. Il y a en quelque sorte une volonté, je dirais presque missionnaire, puisque chez les protestants, il ne s'agit pas de détruire les idoles, enfin ce qu'ils appellent des idoles, parce qu'ils pensent que les catholiques vénèrent ces statues. Il s'agit de faire le salut de l'adversaire, dans ce cas précis. En quelque sorte, faire le salut de l'adversaire en l'obligeant à abandonner une pratique condamnable. C'est exactement, en définitive, l'attitude de Daesh aujourd'hui, qui détruit les mausolées des pieux musulmans, qui ne sont fréquentés évidemment que par des musulmans. C'est donc pas les chrétiens ou les yézidis qui y vont. Et il s'agit de faire le salut des musulmans, malgré eux, en quelque sorte. Et on retrouve là aussi une des guerres à l'intérieur du monothéisme de l'islam, peut-être entre les chiites et les sunnites, qui n'ont pas la même conception du respect que l'on doit aux tombes et aux traces matérielles des successeurs du prophète. Il y a à la fois débat, effectivement, entre sunnites et chiites là-dessus, mais à l'intérieur même du sunnisme. Je veux dire par là que entre l'attitude des wahhabites, c'est-à-dire celle qui est véhiculée par l'Arabie saoudite et qui a tendance à se répandre un petit peu partout aujourd'hui, qui est absolument rigide, qui fait la chasse à tout souvenir du passé qui pourrait donner lieu à un culte, à une mémoire en quelque sorte, devenir un lieu de pèlerinage, autre que les lieux saints consacrés de l'islam, et les visions beaucoup plus laxistes, beaucoup plus favorables justement, non pas au culte, mais au respect des saints hommes, que l'on trouve en Afrique du Nord ou dans l'Afrique subsaharienne, mais aussi au Proche-Orient. Il y a beaucoup de tomboules. La preuve, il y en avait deux à Palmyre que Daesh a fait sauter. À Tombouctou, on se souvient que Al-Qaïda, lorsqu'elle a pris la ville, a commencé à faire sauter tous les mausolées d'hommes pieux, d'hommes saints, qui étaient vénérés. Ils sont pas adorés. Le problème, c'est qu'il y a confusion sur le rôle de ces tombeaux. Mais ce sont des lieux de mémoire auxquels les gens étaient attachés. Donc, à Tombouctou, ils ont fait sauter beaucoup de ces tombeaux qui étaient très fréquentés et auxquels la population était très, très attachée. Eh bien, Daesh a agi de la même manière. Mais encore une fois, cette idéologie-là, elle est véhiculée d'abord et en premier lieu par l'Arabie saoudite, qui a détruit systématiquement tout ce que l'on pourrait juger comme des lieux de mémoire du passé à La Mecque, à Médine et dans bien d'autres villes d'Arabie Saoudite. Tout cela confirme la difficulté qu'on a à faire le départ entre les ressorts militaires ou de politique étrangère qui peuvent conduire aux destructions que nous évoquons ce matin et les préoccupations religieuses, qu'elles soient affichées ou qu'elles soient sincères. Bien sûr, par exemple, on pourrait dire, mais quand même, lorsqu'on détruit Palmyre, on s'en prend pas à nos convictions religieuses. C'est vrai que on s'en prend pas à nos convictions religieuses quand on détruit les Bouddhas de Bamiyan. Moi, je suis pas bouddhiste. Je suis pas non plus un sectateur du dieu Bel ou du dieu Baal Shamin. Je crois qu'il y en a très peu aujourd'hui, quoi qu'il arrive. Mais c'est une nouvelle qui ne nous surprend pas. Je crois que les idéologues de Daesh ont compris une chose qui est fondamentale, c'est que la déchristianisation, en quelque sorte la laïcisation des sociétés occidentales, nous a conduit à avoir quasiment de nouveaux dieux, un de nos nouveaux lieux de culte, comme le disait très bien Paul Bernard, qui est disparu tout récemment, c'est que nos nouveaux lieux de culte, ce sont les musées, ce sont les sites archéologiques, ce sont les villes anciennes. Les bibliothèques. Les bibliothèques, c'est-à-dire que nous avons une sorte de vénération, je ne crois pas que le mot soit trop fort. À mes yeux, elle est parfaitement justifiée. Mais elle est insupportable à ceux dont nous parlons. Elle est insupportable à ceux qui nient l'histoire. Nous avons finalement une sorte de vénération pour ce qui est le rappel de notre histoire et de l'histoire en général, parce que ça ne tient pas uniquement à notre histoire. Nous avons la même vénération pour Machu Picchu, et Machu Picchu, c'est pas mon histoire, d'une certaine manière. Pour ceux qui, aujourd'hui, comme les gens de Daesh, nient l'histoire, refusent l'histoire, se resituent et tentent de rétablir un islam totalement fantasmé, ou fantasmagorique en tout cas, qui est celui du 7e siècle, cette négation de l'histoire qu'ils cultivent est évidemment en contradiction flagrante avec notre vénération à nous pour les vestiges de l'histoire et de ce qui fait notre histoire et l'histoire de tous les autres peuples. Et il y a là une contradiction. Et donc en s'en prenant aujourd'hui aux vestiges du passé, que ça soit à Palmyre, à Mossoul ou partout ailleurs dans le monde, ces gens-là savent qu'ils nous blessent directement et qu'il nous touche directement sur ce que nous avons de plus sensible. C'est la forme, en somme, contemporaine des barbaries du Palatinat, c'est ça que vous nous dites, à l'époque de Louis XIV. D'une certaine manière. C'est aussi une manière, effectivement, de nous horrifier. Et on voit bien les réactions universelles lors des destructions de Palmyre, qui sont sans commune mesure avec ce qui a été suscité par les horreurs de la guerre, même de Syrie, par exemple. Il n'y a jamais eu autant d'émotions dans le monde pendant cette guerre, qui pourtant ne manque pas d'horreur, que lorsqu'on a fait sauter les temples de Palmyre, comme s'ils étaient la priorité par rapport au peuple syrien. C'est là qu'on retrouve d'ailleurs le propos de Michelet sur l'importance historique et affective des pierres que je citais tout à l'heure. Vous évoquez en passant, Maurice Sartle, les Bouddhas de Bamiyan. C'est un autre cas. Il s'agit non pas directement d'une guerre, puisqu'on est à l'intérieur de l'Afghanistan, mais un cas où les talibans ont décidé de détruire les Bouddhas. Et écoutez cette réaction du représentant à Moscou du gouvernement afghan en exil. C'est un extrait du journal de France Inter en mars 2001. Selon les informations dont nous disposons de plusieurs sources, ils ont déjà détruit entièrement les deux statues de Bouddha de Bamiyan. Les talibs n'ont pas détruit que des Bouddhas. Ils ont fermé les écoles, ils ont brûlé les bibliothèques. Ils ont fermé les universités, ils ont interdit la musique, la peinture, la sculpture. Et ils ont chassé du pays plus de 90% des intellectuels. Mais le plus terrible, c'est qu'ils ont aussi détruit ce qui ne se voyait pas. Ils ont détruit toutes les archives musicales d'Afghanistan. Ils ont détruit toutes les archives cinématographiques. Ils ont détruit toutes les galeries de portraits qui se trouvaient dans le pays et auxquelles avaient contribué les plus grands peintres afghans. Ils veulent détruire tout ce qui a un rapport avec la culture. Maurice Sartre. L'histoire des Bouddhas de Bamiyan est particulièrement intéressante parce qu'il ne faut pas oublier que lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir, les talibans ont d'abord pris un décret pour protéger les Bouddhas de Bamiyan, je crois que c'est en 99, en disant « mais dans le fond, il n'y a pas de risque d'idolâtrie puisqu'il n'y a pas de bouddhistes dans la région ». Ça paraît le bon sens. Ce qui paraissait tout à fait de bon sens. Et puis, ils ont fait complètement machine arrière en prenant conscience, finalement, de ce qu'on évoquait tout à l'heure. C'est que les Bouddhas n'étaient pas l'objet de vénération de la part des bouddhistes, mais de la part des Occidentaux. Là, c'est le Mollah Omar, proche de Ben Laden. C'est lui qui a compris, de ce point de vue-là, et il avait parfaitement raison, les vrais sectateurs des Bouddhas de Bamiyan, aujourd'hui, c'est pas les bouddhistes, qui peuvent très bien se passer de la présence de ces Bouddhas pour exercer leur religion, mais les vrais sectateurs des Bouddhas de Bamiyan, c'est nous. C'est nous, les Occidentaux, avec notre culte, d'une certaine manière, des vestiges du passé et des œuvres d'art en général. J'ai eu la chance d'aller à Bamiyan voir les Bouddhas il y a fort longtemps de ça. Les seuls visiteurs étaient évidemment des Occidentaux, c'était pas des bouddhistes qui venaient en pèlerinage. Donc on a là bien ce renversement qui justifie absolument l'analyse que faisait Paul Bernard de nos nouveaux lieux de culte, de notre vénération pour le passé. Par exemple, le comportement des Chinois à l'égard des Tibétains ou à l'égard d'une autre minorité, les Ouïghours musulmans, ce comportement relève d'une période antérieure. Ça relève de ce qu'on évoquait au tout début de cette émission, c'est-à-dire de s'en prendre au bien culturel d'un peuple ou d'une minorité ethnique que l'on veut délégitimer, que l'on veut minorer, que l'on veut rabaisser. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure à propos des Azéris et des Arméniens, mais on aurait pu donner l'exemple des Turcs détruisant les églises arméniennes dans l'est de la Turquie pour en quelque sorte effacer les traces de la présence arménienne dans ce qui était la Grande Arménie. Donc là, je pense que l'attitude des Chinois à l'égard des Ouïghours comme des Tibétains, ça participe en quelque sorte de la sinisation forcée des peuples minoritaires de l'ouest de la Chine. Et donc ça fait partie d'un ensemble. C'est dans le même temps qu'on amène aussi des colons chinois en grand nombre pour essayer d'inverser en quelque sorte le nombre d'habitants d'origine tibétaine et d'origine chinoise. Cette permanence des comportements horrifiques à l'égard du patrimoine de l'humanité est en même temps concomitant d'un effort du droit international pour tâcher de faire punir ce qui autrefois ne l'aurait pas été, évidemment. Pas question de punir Louvois pour le Palatinat, mais on voit à partir notamment des congrès de la haie, les congrès de la paix, à la fin du 19e siècle, surgir l'esquisse d'un effort de définir un droit de la guerre dans le domaine du patrimoine. Je voudrais que nous terminions là-dessus, Maurice Sartre. Oui, c'est très louable. Je veux dire que, et on ne peut que s'en féliciter. Le problème, c'est que on a de plus en plus affaire à des gens qui, de toute façon, récusent par avance le droit international. Je ne crois pas que Daesh ait signé quelque convention que ce soit avec qui que ce soit et en signerait, même si, ce qui n'est pas le cas, il crée réellement un État, je doute qu'il signe des conventions internationales en ce sens. En somme, ça renvoie à un propos d'un des généraux ou amiraux anglais lors des congrès de la paix avant 1914, civiliser la guerre, autant vouloir civiliser l'enfer. Oui, c'est un peu ça. Et puis, il y a aussi, il faut bien le dire, la faiblesse des États qui considèrent souvent les biens culturels comme un plus pour le tourisme, mais on ne prévoit pas des situations aussi dramatiques, par exemple, que celles que connaît la Syrie. Par exemple, l'UNESCO avait imposé de mettre sur tous les biens culturels, d'apposer des panonceaux pour que les combattants évitent de s'en servir et de les prendre pour cible. Honnêtement, je crois bien connaître la Syrie, je peux vous dire que j'ai rarement vu ce panneau sur quelque monument que ce soit. Honnêtement, il a été tentant pour tous les combattants, et d'abord pour le régime en place, d'utiliser tous les lieux situés un peu en hauteur pour y déposer des hommes armés, c'est-à-dire la citadelle de Palmyre, la citadelle d'Alep, la citadelle de Bosra, c'est-à-dire autant de biens culturels que l'on utilise tout de suite à des fins purement militaires, en sachant très bien que les conséquences seront dramatiques. Cela renvoie directement au Monte Cassino, au Mont Cassin, qui est le lieu d'essentielle importance pour les catholiques de Saint-Benoît et qui a été fort abîmé au moment de la reconquête de l'Italie par les troupes alliées. Il avait la malchance d'être sur un verrou qui, d'un point de vue stratégique, évidemment, était important pour les deux parties en conflit. Donc, je crois qu'il ne faut sûrement pas relâcher son effort pour essayer de civiliser, de fixer des règles. Mais il faut bien voir aussi que beaucoup des combattants, même ceux qui ont signé des accords, ne les respectent pas lorsque les enjeux militaires les poussent en ce sens. Alors que depuis 1945, il y a eu de grands efforts pour prendre en compte, qui étaient inédits, pour prendre en compte ce type de destruction et de barbarie. La Convention de la Haye de 1954, oui, par exemple. Pour interdire à un pays occupant de pratiquer des fouilles dans des zones occupées à l'occasion d'un conflit. Ça n'a absolument pas empêché, ça n'empêche toujours pas aujourd'hui, Israël de fouiller en Cisjordanie ou sur le Golan syrien occupé. Le Golan occupé a été fouillé très abondamment par des missions israéliennes depuis 30 ou 40 ans. Et on a vu un livre, d'ailleurs, qui a fait sourire évidemment beaucoup d'archéologues et d'historiens, où tous les bâtiments non identifiés dans les villages étaient assimilés à des synagogues. Comme c'est une synagogue, c'est une salle carrée, ça peut être n'importe quelle pièce. Du moment où il n'y a pas des mangeoires, c'est pas une étable, mais ça peut être une synagogue. On comprend bien que derrière, il y avait la volonté de montrer que le Golan avait, depuis toujours, en tout cas dans l'Antiquité, été peuplé par des Juifs. Ce qui est vrai en partie, d'ailleurs, je le dis tout de suite. Il y a eu de grosses communautés juives sur le Golan dans l'Antiquité, mais on sentait bien là la manœuvre récupératrice, en quelque sorte, la manœuvre politique, pour s'approprier, en quelque sorte, par l'histoire, un territoire qui est l'objet de conflits entre deux pays qui sont en guerre depuis maintenant 70 ans, bientôt. Ce qui nous rappelle pour finir qu'on ne doit pas seulement considérer la destruction de la mémoire ou du passé de l'autre, mais parfois sa falsification au profit d'ambitions politiques contemporaines. Exactement. Merci beaucoup, Maurice Sartre. Vous avez publié de nombreux ouvrages qui concernent Palmyre, mais en particulier un livre qui s'intitule « Palmyre, vérités et légendes ». C'est un livre d'Annie et Maurice Sartre, paru chez Perrin en 2016. Le prix Pierre Laffût vient de le récompenser. Vous avez également publié dans la belle collection découverte chez Gallimard, au moins deux ouvrages qui concernent Palmyre, l'un directement sur ce sujet et l'autre qui s'appelle la Syrie antique. Vous trouverez naturellement des références à ces livres sur notre site, comme d'habitude. Je salue aussi le livre de Dominique Fernandez et du photographe Ferrante Ferranti, qui s'appelle Adieu Palmyre, avec de nombreuses et précieuses images. J'ai fait fond aussi à propos de l'effort international de régulation de la destruction du patrimoine sur un article de Julien Enfrin, qui est membre du Conseil d'État, et qu'il a rédigé, très intéressant, Patrimoine culturel et conflits armés, qu'il a rédigé pour le dernier volume annuel de l'Encyclopédia Universalis. Vous pourrez bien sûr trouver une bibliographie plus complète sur notre site avec les références des documents sonores utilisés. Vous pourrez également réagir en nous écrivant par les moyens que ce site indique. Samedi prochain, nous parlerons des bouchers au Moyen-Âge pour montrer qu'il s'agissait d'une puissance sans contrôle. Elle est contrôlée aujourd'hui, mais différents événements contemporains montrent que sûrement, d'ailleurs, ce sujet demeure d'actualité. Je recevrai le spécialiste des bouchers, qu'est Benoît Descamps. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Nathalie Lempereur, avec aussi Jeanne Guéroux, une émission réalisée, comme chaque semaine, par Patrick Molinier, avec à la prise de son Thibaut Germez, avec à la discothèque Nathalie Rouvillain et pour les archives INA, Linda Simon. Dans quelques instants, vous allez retrouver Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.